Il est 13h30, là tout de suite vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Cette semaine, le réseau Forbidden Stories. C'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Du Guatemala à la Tanzanie. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à 3 journalistes. Donc Carlos Choc au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste qui s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Mais il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Nous, notre rôle à Forbidden Story, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner. Un certain journalisme d'investigation. Le journal Le Monde et 29 autres médias, dont le Guardian au Royaume-Uni, l'Expresso au Portugal ou la Süddeutsche Zeitung en Allemagne, ont uni leurs efforts dans l'opération Green Blood, sang vert, sur les pratiques particulièrement opaques du secteur minier dans 3 pays de 3 continents, la Tanzanie, le Guatemala et l'Inde. Pendant 8 mois, 40 reporters de 15 pays ont poursuivi l'enquête des journalistes locaux menacés, poursuivis et même assassinés pour avoir dénoncé l'impact des mines sur la santé et l'environnement. Les 2 premiers volets de Green Blood seront à découvrir dimanche prochain sur RTL2. Merci à tous d'être là. Certains d'entre vous viennent de loin. Vous êtes ici pour une mission importante. Finir le travail de reporters qui ont été assassinés, arrêtés ou menacés. Il s'agit de collaboration, il s'agit de journalisme, mais il s'agit aussi d'envoyer un signal fort aux ennemis de la presse et de leur dire, même si vous tuez le messager, vous ne tuerez pas le message. Cela va à l'encontre de la manière dont les journalistes ont été formés. L'idée que les journaux sont rivaux, que nous sommes en compétition pour obtenir un scoop. Avec le succès des Panama Papers, nous avons prouvé que plus on est nombreux, plus on a d'impact. Nous allons lancer un nouveau projet, le projet Green Blood. 3, 2, 1, Histoire Vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories. Aujourd'hui, entretien avec Laurent Richard, directeur du site journalistique forbiddenstories.org. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Laurent Richard, j'ai 43 ans et je dirige Forbidden Stories, qui est un consortium international de journalistes. Notre mission, c'est de poursuivre les enquêtes des reporters qui ont été assassinés, menacés ou arrêtés. Mais d'où venez-vous, vous ? Moi, je suis un journaliste dit d'investigation, c'est-à-dire que je réalise des documentaires d'investigation depuis une vingtaine d'années. Je prends du vous temps avez démarré pour le faire. Gamin, alors ? J'ai démarré très jeune, dans un métier qui m'a tout de suite plu et passionné, qui consiste à poser des questions, à raconter des histoires, à raconter ce qu'on entend de la manière la plus fidèle possible. Et après avoir fait de longs documentaires d'investigation, pendant une vingtaine d'années, j'ai décidé de créer un collectif international de journalistes où l'idée est extrêmement simple, c'est que si un reporter est assassiné, si un reporter est tué, on est là pour poursuivre son travail. Avec 2 objectifs finalement. Un, informer les gens. Quand un reporter meurt, c'est parce qu'il vient de publier une information qui était extrêmement importante ou qu'il allait le faire. Et donc, cette information doit être portée à la connaissance de tous. Et 2, d'envoyer un message très fort aux ennemis de la presse, aux ennemis de la liberté de la presse. et à ceux qui pensent qu'on peut tuer des journalistes pour leur dire « vous avez tué le messager, mais vous ne tuerez jamais le message ». Donc ça, c'est l'idée. Et la méthode, c'est du journalisme collaboratif, où à plusieurs, on est plus fort, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est 40 journalistes qui travaillent ensemble pendant un an, dans le plus grand secret, pour poursuivre des enquêtes qui sont compliquées, qui vont les amener dans des endroits parfois dangereux. Ces 40 journalistes vont prendre le relais après l'assassinat, après l'arrestation ou après des menaces contre certains reporters dans quelques pays que ce soit. L'idée vous est venue à quelle occasion ? C'est un cheminement assez lent et progressif. La première chose, c'est que en étant moi-même journaliste, en me retrouvant moi-même dans des situations à l'étranger, en enquêtant sur des sujets qui étaient compliqués pour des journalistes locaux, je pense à une enquête en Azerbaïdjan où j'enquêtais sur des faits de corruption qui, pour moi, en tant que journaliste français, ne posaient pas de problème. J'allais pouvoir sortir ces informations-là. Dans mon pays, il y a une liberté de la presse. En Azerbaïdjan, il n'y en a pas. Et pour le même type d'enquête, des journalistes azéris ont été incarcérés de longs mois pour avoir fait exactement le même travail. Donc, je me suis souvent posé cette question, comment nous, journalistes en France, en Suisse, en Allemagne, ailleurs, où on dispose d'une vraie liberté de la presse, comment en faire profiter les autres et comment un réseau pourrait justement poursuivre le travail de reporters qui ne peuvent plus l'accomplir. Et puis il y a un événement plus personnel qui, moi, m'a déterminé plus que jamais dans cette volonté de créer ce collectif-là, c'est l'attaque contre mes confrères de Charlie Hebdo. Nos bureaux à première ligne étaient les bureaux voisins de Charlie. Et, sur le même palier. Sur le même palier. Et je suis arrivé ce jour-là, quelques minutes à peine après la sortie des terroristes de l'immeuble. Et je suis rentré dans l'immeuble et j'ai découvert nos voisins, nos confrères morts. Et cette situation-là m'a convaincu de faire tout ce que je pouvais en tant que journaliste pour poursuivre le travail des reporters assassinés, garder en vie les histoires sur lesquelles ils travaillaient. Alors, se reconvertir en chef d'orchestre ainsi, alors que au départ, un journaliste comme vous l'étiez travaille, même s'il travaille en équipe, il travaille d'abord essentiellement individuellement. Ça suppose un changement, un saut, un changement d'état d'esprit ou d'approche ou de pratique. Comment ça s'est traduit pour vous ? C'est un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est entraîné, formé à ne jamais partager ses informations. On peut se faire virer pour faute grave et lourde si on partage l'information avec son principal concurrent. L'idée, c'était de faire tout l'inverse de ça. C'était de penser que, en fait, il faut partager les informations avec d'autres confrères pour plusieurs choses. La première, c'est que quand on, sur des enquêtes compliquées comme ça, qui ont déjà coûté la vie à un reporter, qui bien souvent vont tourner autour des mêmes sujets, le crime organisé, le blanchiment d'argent, la corruption, les crimes environnementaux, des sujets qui sont extrêmement périlleux, extrêmement dangereux, ça fait sens d'être à plusieurs. Ça vaut le coup de s'unir, parce que la collaboration peut apporter de la protection. Mais la collaboration, elle peut apporter aussi une information plus précise. Derrière chaque phrase, derrière chaque info, derrière chaque document, il y a 40 journalistes qui vont fact-checker. Donc on a une information plus précise. Et au final, on a aussi une information plus impactante, parce que on va tous sortir au même moment, chacun sur ses propres supports, l'histoire, l'enquête. Et donc forcément, ce qui devait être caché, passé sous silence en Azerbaïdjan, à Malte, à Mexico ou ailleurs, sera publié à Londres, à Paris, à New York, à Nairobi, à Rio de Janeiro et partout dans le monde. Donc on a plus d'impact. Alors convaincre des collègues de cette stratégie-là, est-ce que ça a été difficile d'une part ou est-ce que c'est allé de soi? Il me semble qu'il y a derrière ça quelque chose d'un peu générationnel. J'en veux pour preuve les confessions que m'avaient faites Fabrice Lhomme et Gérard Davet qui, à un moment d'une affaire sur laquelle ils enquêtaient, il leur avait été soufflé de se tourner effectivement vers cette technique du réseau. Et eux n'étaient absolument pas partageurs de leur point de vue. Ils ont fini par y venir parce qu'ils avaient tellement de données, des gigaoctets de données qu'ils se sont dit c'est peut-être quand même plus rationnel pour nous permettre de passer quelques nuits à peu près grises et pas complètement blanches systématiques. Vous avez, comment dire, coalisé avec des gens de votre génération? Des gens de plusieurs générations, mais c'est vrai que depuis 15 ans, il y a une vraie révolution dans le journalisme, dans les outils à la disposition des journalistes, mais aussi dans la méthode de travail justement avec l'essor du journalisme collaboratif. Il y a vraiment 10 ans ou 15 ans, on pouvait être licencié d'une rédaction si votre boss apprenait que vous aviez partagé l'information avec une autre rédaction. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse. Aujourd'hui, on pense que justement les grandes enquêtes seront plus retentissantes, plus fortes, plus riches et donc du coup plus intéressantes pour les citoyens s'il y a plusieurs publications qui décident de collaborer ensemble. Ça n'a pas été compliqué, en fait, de convaincre. Moins compliqué que ce que vous attendiez. Beaucoup moins compliqué que ce que j'imaginais, parce que je pense que déjà le succès des Panama Papers a montré à un grand nombre de rédactions, de citoyens, de responsables, d'institutions, l'intérêt du journalisme collaboratif. Le bien fondé. Le bien fondé et son impact. Je pense que les technologies de communication, de chiffrement des données, nous permettent aussi de travailler en réseau de manière un peu plus sûre. Et je pense que on comprend l'intérêt de la collaboration quand il s'agit de poursuivre des enquêtes qui sont extrêmement dangereuses, où justement ça fait sens d'être à plusieurs. Les journalistes ont une coutume, c'est la rédaction qui se réunit, réfléchit, pense, échange. Dès lors que les gens sont éloignés géographiquement, est-ce que ces rédactions-là poursuivent ces mêmes pratiques? On essaie d'avoir un vrai process. Déjà, on essaie de protéger nos données et de faire en sorte que aucun d'entre nous du groupe ne soit une faille pour le groupe. Et parce que s'il y en a un qui est suivi, écouté, ah oui, c'est tout le reste du groupe qui le saura également immédiatement. Mais donc, pardonnez-moi, comment s'en assurer? On s'en assure jamais totalement, mais en prenant le plus de précautions qu'on en peut prendre. Donc le hub sur lequel on discute est un hub chiffré, protégé. Les moyens de communication sont tous chiffrés. Et voilà, après, on reste des journalistes, on n'est pas des agents secrets. On est là pour avancer, on est là pour rencontrer des gens, pour faire vivre nos enquêtes, et leur donner de la chair, de rencontrer des gens qui ont quelque chose à dire. Oui, ce que vous fixez là, c'est le minimum de précautions qu'il est nécessaire d'avoir. Ouais, le minimum, voire même le maximum. Voire le maximum. Et après, comme on est... Nous, notre rôle à Forbidden Stories, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse, qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner et de faire en sorte que chacun soit au même niveau d'information, de faire en sorte qu'on puisse diviser le travail en différentes équipes, faire en sorte que dans ces équipes-là, il y ait des chefs d'équipe en fonction des pistes. Quand Daphné Caruana Galizia a été assassinée à Malte, on a créé un groupe de travail avec 45 reporters de 18 organisations de presse. Il y avait une équipe sur l'homicide, l'assassinat de Daphné, qui avait pour mission de récupérer le maximum d'éléments d'informations sur la scène du crime et les menaces que Daphné avait pu recevoir et de refaire en fait l'enquête sur l'homicide. Mais on avait aussi une équipe sur le blanchiment d'argent, c'était une piste sur laquelle travaillait Daphné, sur la vente de passeports et sur 4 ou 5 autres sujets sur lesquels la journaliste maltaise travaillait. Donc on répartit le travail, on coordonne et on avance pendant plusieurs mois. La clé de ce type d'enquête, c'est le temps aussi. C'est-à-dire que c'est des enquêtes dangereuses, donc il faut prendre le temps, il faut... On est certain qu'en face de nous, le tueur est toujours en liberté. Il est là, il nous voit avancer, ou il peut nous voir avancer. Donc il faut être très vigilant. Et quand on démarre une investigation comme ça, même si on a, en même temps on est assez jeune, on a créé Forbidden Stories il y a 2 ans et demi, mais on essaye de faire en sorte d'être le plus précautionneux possible et de ne pas mettre en danger à notre tour des journalistes avec lesquels on travaille. Reporters sans frontières vient de publier son rapport sur la liberté de la presse en 2019. Bonjour, Pauline Hadès-Mével, vous êtes notre invitée, vous êtes responsable du bureau Europe et Balkans de Reporters sans frontières. À quelle conclusion globale, générale, arrivez-vous cette année? Elles sont à une conclusion qui n'est pas excellente, puisqu'il y a un climat de peur qui s'est installé globalement et qui fait que les journalistes aujourd'hui ne travaillent plus dans des conditions idéales. C'est vraiment ce qu'on retient de ce classement cette année sur 180 pays. La peur des journalistes d'investigation, les pressions, une méfiance à l'égard des journalistes. Et c'est vraiment le constat qu'on fait dans plusieurs régions du monde, certaines descendant plus ou moins mais clairement, c'est ce qui ressort. Vous parlez des journalistes d'investigation, leur travail a évidemment évolué avec le temps. Est-ce qu'ils se rendent toujours aussi facilement dans les zones à couvrir aujourd'hui? Les journalistes d'investigation sont les journalistes qui sont les plus visés. Alors, en Europe, par des réseaux mafieux, des réseaux criminels, qui viennent parfois des Balkans, mais ils sont visés un peu partout dans le monde. On a sorti un gros rapport au mois de novembre, justement, sur ce sujet. De manière générale, les journalistes d'investigation qui dérangent, qui sont organisés en consortium, aujourd'hui, qui peuvent partager leurs informations et donc les sauver, les diffuser plus facilement, sont plus forts, dérangent plus, donc sont plus visés. Merci beaucoup Paulina Desmevel d'avoir été notre invitée du jour sur ce rapport qui donc vient de sortir, celui de Reporters sans frontières. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Laurent Richard. Concernant les autres projets de Forbidden Stories, s'il est possible d'en parler, parce qu'évidemment, vous devez avancer avec certaines précautions, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont à bout touchant? Oui, on est touchant ou portant, je sais pas, mais en tout cas, on est en train de travailler évidemment sur d'autres projets. On est toujours en train de travailler sur des prochains projets. On a nos équipes mobilisées dans le monde entier pour ça. Et voilà, donc on est en train de travailler sur d'autres trucs. Laurent Richard, vous évoquez pour Forbidden Stories, tiens, vous nous direz un mot d'ailleurs de la nature du terme, du nom de ce réseau de journalistes d'investigation. Pourquoi avoir choisi un terme anglais? Parce que on est une organisation internationale et donc il fallait être dans l'une des langues les plus parlées au monde. Donc on aurait pu titrer en chinois, en swahili ou le titre est en anglais. Il raconte précisément ce à quoi on s'attaque. Ce sont des histoires qui sont interdites. Ce sont des histoires qui n'auraient pas dû sortir, que certains voulaient voir cachées, passer sous silence. Et nous, on va leur donner une deuxième vie. Vous évoquez la notion du temps, toute notion de durée sous-tend la question du financement. Ce n'est évidemment pas une équation qui va de soi, qui est simple. Ce réseau de journalistes est un réseau indépendant. Comment faites-vous? Vers qui vous tournez-vous pour être soutenu? Alors, il y a deux choses. Il y a un soutien de l'organisation elle-même. Donc, nous, on est une association à but non lucratif et on est financé selon le même modèle que d'autres organisations comme l'ICIJ qui a publié Panama Papers par à peu près les mêmes types de fondations philanthropiques qui sont américaines ou au nord de l'Europe, en Scandinavie, et qui financent du journalisme à caractère non lucratif, souvent international, cross-border, comme on dit, et collaboratif. Donc, il y a des mécènes un peu partout dans le monde qui ont envie de soutenir ce type de projet-là. Filtrez-vous les mécènes? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on les filtre par une charte éditoriale d'indépendance, c'est-à-dire qu'on est là pour... on choisit nous-mêmes nos enquêtes, on ne tient en courant personne de nos enquêtes, et si on nous soutient, c'est parce que il faut nous soutenir pour l'impact que l'on a et notre mission, c'est-à-dire de prendre la relève après l'assassinat de certains pour pouvoir publier ces histoires-là. Donc il y a une véritable indépendance éditoriale, évidemment. Mais après, le plus grand des financements, finalement, c'est celui de nos partenaires qui vont pendant au Guardian, au Monde, qui vont décider d'employer un journaliste, voire deux journalistes à plein temps pendant 8 mois sur cette enquête-là, sur ce projet-là. C'est l'intérêt du journalisme collaboratif qui est une immense coproduction où tout le monde contribue et à la fin, chacun en profite évidemment parce que tel journal n'a pas forcément les moyens d'aller 14 fois dans 13 pays. Par contre, il peut bénéficier du voyage et du déplacement d'autres confrères. Donc on met en commun toutes les informations récoltées et ensuite, chacun travaille pour sa propre publication, pour raconter sa propre enquête sur la base d'éléments partagés, processés, fact-checkés, vérifiés et confrontés. Vous évoquiez, Laurent Richard, une équipe d'une quarantaine de personnes. C'est un nombre fixe ou c'est un nombre où vous êtes pour l'instant à l'aune de 2020? C'est pas un nombre fixe, mais c'est Qu'une fourchette. C'est en fait, pour nous, ce qui est important, on est 7 salariés à Forbidden Stories, et le principal de notre temps est consacré à la coordination de cet immense groupe-là. L'essentiel, c'est de travailler avec des journalistes qui partagent la même envie, le même goût, pour des histoires complexes et importantes, pour des histoires qui vont avoir un intérêt pour la société. Je pense qu'on est dans une époque où il y a un niveau de défiance à l'endroit des journalistes. Notre cote de popularité est au plus bas. Je pense que ce type de journalisme-là, collaboratif, où l'on peut montrer que, en fait, on ne poursuit pas un agenda particulier, on n'est pas là pour servir les intérêts de tel actionnaire, de tel journal, puisque c'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Les enquêtes viennent-elles vers Forbidden Stories ou dans quel sens ça fonctionne, ça? Dans les deux sens, reçoit des informations de journalistes qui sont menacés, qui aimeraient qu'on poursuive leur travail parce qu'ils ne peuvent plus le faire sur place. On identifie des sujets ou des cas ou des situations de journalistes qui ont été clairement empêchés, soit dans la forme ultime de l'empêchement, l'assassinat, le meurtre, ou alors la censure, qu'elle soit juridique, financière, quelle que soit sa forme. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme, Laurent Richard, de cousinage avec les lanceurs d'alerte? Ou bien ce sont des catégories qui sont tout de même à cloisonner? Il y a deux choses. Les journalistes ont besoin de sources, et toutes les sources ne sont pas des lanceurs d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est une source qui a décidé de s'afficher et de dire je suis issu de cette entreprise-là et je vous révèle 40 000 documents qui prouvent les méfaits de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé ou avec qui j'ai travaillé. Il y a des sources que l'on voit au quotidien et qui donnent des informations en contrepartie d'une confidentialité sur l'origine des informations et qui nous permettent d'avancer. Donc il y a cette petite distinction à prendre en compte qui est assez intéressante pour travailler sur comment protéger les sources et les lanceurs d'alerte une fois que la source s'est affichée, pour lui éviter justement de graves ennuis, et on voit les graves ennuis en général qui peuvent arriver, on l'a vu sur Luxembourg Leaks, c'était vraiment flagrant. Et voilà, donc ça c'est une chose. Nous, en tant que plateforme collaborative de journalistes d'investigation, on a besoin de ces sources, on a besoin de ces lanceurs d'alerte qui, comme nous, poursuivent une mission d'intérêt général pour informer le citoyen, les citoyens. Pour vous connaître un peu mieux, j'envoie évidemment à votre site Forbidden Stories, et en m'y promenant, j'ai vu que vous faisiez des appels de fonds, parce que évidemment, il faut... On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être vraiment soutenu. On considère que pour défendre le journalisme, pour défendre l'information, le journalisme peut être un outil. C'est-à-dire que c'est vraiment en poursuivant le travail des reporters menacés ou assassinés et en publiant ce travail-là qu'on peut justement informer tous les citoyens que nous sommes, surtout sur des histoires aussi importantes que le crime organisé, les crimes environnementaux, des histoires qui nous concernent. Donc on a besoin, et tout le monde donc peut aller sur le site web de Forbidden Stories et cliquer sur l'onglet « Donate ». On peut démarrer une enquête et puis dans le cours du temps, dans le cours du développement, celle-ci glisse ou dérape, ou comme vous le dites, il y a quand même des menaces qui pèsent là-dessus, donc des accidents peuvent arriver. Est-ce que déjà dans le petit temps depuis lequel vous existez, 2 ans et demi, il y a eu ainsi des enquêtes qui ont dû être interrompues? Interrompues, non. Mises en danger, oui. On a des journalistes qui ont reçu des menaces, qui ont été dans des situations difficiles, notamment en Inde dernièrement, mais on n'a jamais interrompu notre travail, et c'est tout l'intérêt de la collaboration. C'est qu'on a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, plus de protection grâce à la collaboration, parce que ça ne fait aucun sens de menacer un journaliste s'il y en a 45 autres derrière qui sont en train de travailler avec lui. Ça ne fait aucun sens de porter plainte contre une des publications s'il y en a 45 autres qui ont publié la même information. Donc la collaboration, elle a vraiment sa propre puissance, sa propre force de dissuasion aussi par rapport aux ennemis de la liberté de la presse. Et c'est pour ça que on croit beaucoup, enfin moi je crois vraiment énormément dans ce modèle-là de journalisme qui vaut pas pour tout, qui vaut pas pour toutes les histoires, mais dès l'instant où on s'intéresse à un crime qui traverse les frontières, comme les crimes financiers, les crimes environnementaux, notre réponse à nous, de journalistes, elle doit traverser les frontières aussi. Et donc c'est tout l'intérêt de la collaboration internationale. Alors si vos enquêtes sont menées principalement en lien avec des menaces qui pèsent sur des journalistes dans des pays où effectivement la liberté de la presse est gravement menacée, qu'en est-il de l'Europe ? Est-ce que du coup vous vous extrayez de l'Europe ? Vous avez cité Malte, je vais mettre Malte pour une fois en dehors de l'Europe, mais est-ce que du coup vous enquêtez beaucoup moins sur l'Europe ? Et serait-ce, si j'ose dire, le défaut de la cuirasse de Forbidden Stories qui vous amènerait à aller enquêter un peu partout dans le monde, sauf en Europe ? Non, en Europe, il y a des cas qui sont extrêmement graves et concernants, et pas seulement ce qui est arrivé à Daphné, mais Jan Kuciak a été assassiné parce qu'il enquêtait sur des forces mafieuses qui détournaient de l'argent de l'Union européenne, justement de la Commission européenne. En Europe, il y a des menaces financières contre certains journalistes qui sont extrêmement préoccupantes. En Europe, il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont été poursuivis, même un journaliste, Édouard Perrin, qui a été poursuivi parce qu'il avait participé à la publication d'une information extrêmement importante sur le Luxembourg et la politique d'évasion fiscale organisée au Luxembourg. Nous, on travaille sur tous les terrains, y compris le terrain européen. Évidemment, la situation des journalistes aux Philippines, au Mexique ou ailleurs est extrêmement préoccupante parce que certains sont décapités toutes les semaines et on voit parfois des tendances, notamment celles de ces journalistes qui ont été assassinés parce qu'ils enquêtaient sur des crimes environnementaux. Donc on voit le type d'histoires qui sont dangereuses. C'est souvent des histoires de corruption, c'est souvent des histoires internationales, c'est souvent parce qu'il y a une entreprise internationale qui arrive dans un pays et qui va générer de la corruption, de l'impunité. Ça se passe toujours dans des pays où le taux d'impunité, c'est-à-dire le taux d'élucidation judiciaire des crimes commis contre les journalistes est très bas. Au Mexique, il y a plus de 99% de taux d'impunité, c'est-à-dire que les meurtres commis contre les journalistes ne sont jamais élucidés. Ces histoires, que l'on soit en Tanzanie, au Guatemala, en Inde ou au Mexique, observe parfois des règles communes. Et donc nous, on est là pour essayer de briser ça, ou en tout cas au moins de pouvoir le publier, le révéler. Redonnez bien le nom de votre réseau. Forbidden Stories. Vous avez compris le message. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous, merci vraiment. Demain, la suite de ces rencontres autour de l'équipe de Forbidden Stories. Après le fondateur, Laurent Richard, nous recevrons Arthur Bouvard et Alexis Marant qui nous raconteront leurs rôles respectifs dans cette épopée.